الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi رحمه الله, une explication du Sheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. Durant le cours dernier, on avait expliqué quel hadith 121, 122, طيب, باب الوتر, نعم. Qui nous récite le hadith de Abdullah ibn Umar, رضي الله عنهما. تفضل أخي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر. وهو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وهو على زيبا خير إن شاء الله. كنتيني على صلاة الليل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم صبح الليلة صبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى, وأنه كان يقول آخرة أحسنت بارك الله فيك. Ensuite le hadith 122, le hadith de عائشة رضي الله عنها. تفضل سعد. عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وواصفه وآخره فانتهى وتر إلى سحر, رواه البخاري. أحسنت بارك الله فيك. حديث عائشة كي سي بروبوز تفضل. الوتر عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس, لا يجلس في شيء إلا في آخرها. أحسنت بارك الله فيك. C'est le hadith rapporté par Muslim uniquement. طيب, يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقب الصلاة للدعاء والاستغفار بعد الصلاة حكم عظيمة وفوائد جليلة من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها وترقيع الخلل الواقع فيها وعقب الصلاة من مواطن استجابة الدعاء, كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل, لأن المتعبد كالحال المرتحل بين العبادات مع ما في الدعاء من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. Le chapitre du rappel d'Allah Azzawajal après la prière. Dans les invocations et la demande de pardon après la prière, il y a dans cela des sagesses nombreuses. Parmi ces sagesses, le fait de montrer sa faiblesse et son incapacité de faire une prière complète. Lorsque tu termines ta prière, qu'est-ce que tu dis ? Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla le pardon. Alors que tu viens de faire une des adorations les plus méritoires. Eh bien, parmi les sagesses de cela, c'est qu'en disant astaghfirullah, eh bien, tu montres le fait que tu n'as pas accompli ta prière de façon parfaite, qu'il y a dans ta prière des manquements. Et ainsi, tu demandes à Allah Azza wa Jalla de te pardonner ce manquement. Ainsi, c'est aussi une sorte de réparation des manquements que tu aurais pu faire dans cette prière. Et c'est également une preuve et une marque de vouloir adorer Allah Azza wa Jal et de ne pas s'en lasser. Car celui qui prie termine sa prière qui est une adoration et il la fait suivre par al-istighfar et la dua, qui sont une autre adoration. Ainsi est le musulman, il passe d'une adoration à une autre, sans oublier bien sûr les mérites de l'invocation et le mérite également de se faire pardonner les péchés. الحديث الرابع والعشرون بعد المئة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Le 124e hadith. Selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, c'est-à-dire qu'Allah l'agrée lui et son père, que d'élever la voix par le dhikr, au moment où les gens quittaient la prière obligatoire, étaient présents au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Abdullah ibn Abbas a dit, je savais lorsqu'ils avaient terminé leur prière, lorsque je l'entendais, c'est-à-dire lorsqu'ils entendaient leur dhikr à voix haute. Et dans une autre version, nous nous connaissions la fin de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam que par le takbir. Que par le takbir qui était dit à voix haute, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم من الصلوات الخمس المفروضة ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به. Le sens général du hadith. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, cite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, levaient leur voix avec le takbir, par le takbir et par l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, après qu'ils aient terminé les cinq prières obligatoires. Et ainsi, ils savaient, lorsqu'ils avaient terminé leur prière, ils le savaient par le fait qu'ils haussaient leur voix. ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب الذكر بعد الصلاة لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, qu'il est recommandé de faire du dhikr après la prière, car il y a dans cela de nombreux bénéfices et il y a également dans cela le suivi du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Thaniyan, an yarfa'a adh-dhakiru sawtahu bidh-dhikr li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi'li ashabihi ma'ah. Deuxièmement, que celui qui évoque le nom d'Allah azza wa jal élève sa voix pendant le dhikr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, et ses compagnons également. Thalithan, yuhtamal an yakun ibn Abbas saghira, lam yahdur al-jama'ah, fasami'a sawtahum bit-tahlil wa huwa kharij al-masjid, wa yuhtamal annahu yahdur al-jama'ah, walakin as-suffuf ba'idah, wa laysa hunaka muballigh. فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى. Troisièmement, la parole de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه qui dit qu'il savait, qu'il connaissait la fin de la prière lorsqu'il entendait les gens faire leur zikr. Il y a deux suppositions qui peuvent être faites. La première est que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu était petit à ce moment-là et n'assistait pas à la prière en groupe. Et il entendait la voix des compagnons radiyallahu anhu alors que lui était à l'extérieur de la mosquée. C'est la première supposition. Et la deuxième, et que Abdullah ibn Abbas radiyallahu an assistait à la prière, mais il était dans les rangs qui étaient au fond et il n'y avait pas de personne pour transmettre ou pour faire office de porte-voix. Ainsi, il connaissait la fin de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils entendaient les tahlil à voix haute qui provenaient des premiers rangs. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui ou non? طيب. الحديث الخامس والعشرون بعد المئة. Le 125e حديث. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه البخاري ومسلم ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات رواه البخاري ومسلم. Selon Warad, qui était le serviteur de Al-Mughir ibn Shu'bah radiyallahu anha, il dit que Al-Mughir ibn Shu'bah lui a dicté ce qu'il devait écrire ou un livre ou une lettre qui était destinée à Muawiyah radiyallahu anha. Qu'a-t-il écrit? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après chaque prière obligatoire « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah » « Il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah sans associé » « Lahul mulku wa lahul hamd » « À lui la royauté et à lui la louange » « Wa huwa ala kulli shayin qadir » « Et c'est lui qui est capable de toutes choses » « Allahumma la mani'a lima a'tayt » « Oh Allah » Personne ne peut être privé, ne peut priver celui à qui tu donnes. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتِ Et personne ne peut donner à celui que tu prives. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ Et auprès de toi, la fortune de celui qui est riche ne lui est d'aucune utilité. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Puis ensuite, je suis parti. Donc qui parle ici? Warad. Puis je suis parti après cela vers Muawiyah. Et je l'ai entendu ordonner les gens, ordonner cela aux gens. Et dans une version, ce que Muawiyah radiyallahu anhu, ou ce que le Mughira ibn Shu'ba a écrit à Muawiyah radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait al-qil wal-qal, de dire un tel a dit, un tel a dit. Wa ida'atil mal, c'est-à-dire de gaspiller l'argent. Wa kathratis su'al, de poser trop de questions. Et il interdisait d'être irrespectueux envers les mères, d'enterrer les filles et de ne pas donner, c'est-à-dire les aumônes, et de rassembler et de vouloir amasser, c'est-à-dire de l'argent. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Gharib al-Hadith. Dubura kulli salatin bi dhammi al-dal au fathiha ma'a iskan al-ba ay akhiruha wal muradu bihi salam. Après la prière obligatoire, c'est-à-dire après le salam. Thaniyan, maktouba, ay mafrouda, wal muradu as-salawatul khams, wa maktouba qoyida lirriwayatil mutlaq, qaydun lirriwayatil mutlaqah. Prescrite c'est-à-dire obligatoire. La prière prescrite, c'est-à-dire la prière obligatoire. Ainsi, cette invocation se dit après les cinq prières obligatoires. Et cette version, le Bukhari et Muslim, vient restreindre les autres versions qui ne spécifient pas la nature des prières. Dans d'autres hadiths, la prière est citée sans précision. Mais dans ce hadith-là, ce sont les prières obligatoires qui sont voulues. Ainsi, cette invocation ne se dit qu'après les cinq prières obligatoires. ثالثا ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد بفتح الجيم ومعناه الحظ والغنى أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك غناه وحظه. Que celui qui est riche, sa richesse ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce sont les actes qui sont regardés. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Et certains s'arrêtent ici. Allah Azza wa Jalla ne regarde pas mon image, mais il regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Donc le plus important, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Oui, c'est important. Mais termine le hadith. Wa a'malikum. Et vos actes. Donc, fais ta prière. Et applique l'islam comme il se doit. Et arrête de dire que tout est dans le cœur et le plus important est ce qu'il y a dans le cœur. Bien sûr, si on comprend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on le veut, ou si on ne prend des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les termes qui nous intéressent, eh bien cela ne sera qu'une voie vers l'égarement, wal'iyadhu billah. Ainsi, celui qui est riche, sa richesse ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si celle-ci n'est pas accompagnée de piété et de crainte d'Allah azza wa jal. Rabi'an wa wa'di al-banat dafnuhunna wa hunna ala qaid al-hayah wa kana ba'du al-arabi yaf'alu dhalika fi al-jahiliyyati imma khawfan min al-'ari aw al-faqri. Et d'enterrer les filles, c'est-à-dire de les enterrer vivantes, wal'iyadhu billah. Et c'est ce que faisaient certains Arabes avant l'arrivée de l'islam. Ils le faisaient, pourquoi ? Soit en ayant peur de la honte, wal'iyadhu billah, ils considéraient que d'avoir une fille était une honte, ou bien à cause de la pauvreté, qu'ils enterraient leurs filles vivantes de peur que eh bien, ils soient pauvres et qu'ils soient obligés de nourrir leurs enfants et de s'en priver. Et Allah Azza wa Jalla dit: "Wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq." Et ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nous leur donnerons leur pourvoyance ainsi qu'à vous. Khamisan wa man'in wa hat ay bukhlin bil mal yani al infaq في وجوهه المشروعة وحرص شديد على جمعه. Également, le professeur Salam a interdit l'avarice de ne pas donner l'argent dans les sentiers et dans les voies et dans les moyens ou dans les choses légiférées et d'avoir pour seule motivation de rassembler le plus d'argent possible. سادسا وعقوق الأمهات. قال في المحكم عق والده يعقه عقا وعقوقا شق شق طاعته وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم والمراد صدور ما يتأذى به الوالد من ولده وذلك بالقول أو الفعل. Et de manquer de respect envers les mères. Qu'est-ce que cela signifie de manquer de respect envers les mères? C'est-à-dire de ne pas lui obéir. Et ceci peut être étalé et élargi à l'ensemble des membres de ta famille. Et ce qui est voulu par le manque de respect, c'est-à-dire qu'une chose qui émane du fils et qui porte atteinte à ses parents. que ce soit une parole ou un acte. Tout acte, toute parole que tu fais qui porte atteinte à tes parents, eh bien cela fait partie de al-aqq, de la désobéissance et du manque de respect envers les parents. Et vous savez tous que ceci fait partie des grands péchés, wal-iyadu billah. Sadi sabi'an, an qila wa qal. الأشهر فتح اللام في قيل على الحكاية وثامنا مانع ومعطيا الرواية فيهما الفتح وحقهما الخفض كحكم المضاف ولكن خرج على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء الفرد. Ensuite le sheikh donne une explication sur les termes قيل وقال et مانع ومعطيا en expliquant pourquoi est-ce qu'ils ont une fatha à la fin ou dans leur terminaison. المعنى الإجمالي كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة وكان أميره على الكوفة Qu'est-ce que vous avez dans les autres versions du livre? Qui a écrit à qui? Vous avez quoi? Kataba? Kataba Muawiyah ibn Abi Sufyan ila al-Mughirah ibn Shu'bah. Dans le hadith, on a أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية. نعم. أيوة نعم. أحسنت. شفتامني. بارك الله فيك. Je comprenais plus là. كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة وكان أميره على الكوفة. أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة رضي الله عنهما بهذا الحديث الذي جمع أنواع التوحيد والثناء على الله وإثبات التصرف والقهر بيد الله كما اشتمل على حكم نبوية جليلة فذكر المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة يوحد الله بنفي كل معبود سواه ويثبت العبادة لله وحده لأنه الواحد الذي ليس له شريك في ملكه وعبادته وأسمائه وصفاته وأن التدبير كله بيده فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا يغني صاحب الحظ والغنى حظه غناه منه شيئا ثم أخبر المغيرة معاوية رضي الله عنهما بأنه ينهى عن هذه الخصال الذميمة فينهى عن لغو الحديث والكلام فيما لا ينفع وعن إضاعة المال الذي جعله الله قياما للناس في الطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية وعن كثرة السؤال لمن عنده من المال ما يكفيه وكذلك التعنت والجدل في المسائل العلمية كما ينهى عن عقوق الأمهات التي يجب برهن وإكرامهن لما لهن من الفضل الكبير عن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيات لسوء الظن بالله تعالى وخشية الفقر إذا شاركناهم في طعامهم وهذه عادة تدل على القسوة والشح وعدم الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات وينهى عن الشح والبخل بما عنده من طرق الخير والحرص الشديد على جمع المال والنهم في تحصيله من أي طريق. لسون جنرال دو حديث. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيكي المغيرة بن شعبة وكان أميره على الكوفة. أي المغيرة بن شعبة était le ministre de Muawiyah ibn Abi Sufyan à Al-Kufa en Irak. Muawiyah a écrit Al-Mughira en lui disant de m'écrire un hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mughira ibn Shu'bah a alors écrit ce hadith qui a rassemblé l'ensemble des différentes sortes de tawhid qui sont au nombre de trois, des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attestation qu'Allah azza wa jal est le seul qui a le pouvoir d'administrer l'univers et d'autres sagesses prophétiques que comporte ce hadith. Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu a informé dans cette lettre qu'il a écrite à Muawiyah ibn Abi Sufyan qu'après la prière obligatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam unifie Allah subhanahu wa ta'ala en niant toute autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal est le seul qui n'a aucun associé dans sa royauté et dans son adoration, dans ses noms et dans ses attributs, et que le commandement est entièrement entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut priver celui à qui Allah donne, personne ne peut donner celui à qui Allah a privé, et celui qui est doté d'une richesse, sa richesse ne lui sera d'aucune utilité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ou d'être doté de ces caractéristiques ou de ces qualificatifs qui sont mauvais et qui sont condamnables. Il a tout d'abord interdit les paroles viles, les paroles qui n'ont aucune utilité. Il a également interdit le fait de gaspiller son argent dans des choses qui ne lui seront d'aucun bénéfice, ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de poser trop de questions. Et ceci est expliqué de deux façons par les savants. La première, de demander, c'est-à-dire de demander de l'argent alors que l'on n'en a pas besoin. Et l'autre, c'est le fait de poser trop de questions. De poser trop de questions comme ceux qui s'abstinent ou qui s'entêtent dans certains sujets de la religion et qui posent énormément de questions qui n'apportent les unes pas plus d'informations que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de poser trop de questions. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas poser des questions lorsque des choses nous semblent ne nous semblent pas claires. Il faut poser des questions. Allah Azza wa Jalla nous ordonne fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mais de poser trop de questions en abusant sur un seul et même sujet, poser 15-20 questions. Et si, oui, mais si, pourquoi, et pourquoi si, et pourquoi ça, et achi. Je dis, c'est autorisé, je t'ai rapporté le hadith, je t'ai rapporté le verset, pourquoi tu me demandes pourquoi, comment si, et supposons qu'on fait si, on fait ça, et les si, avec les si, on peut tout faire. Et vous connaissez tous la parole de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'une personne lui a posé la question, si je suis sur la lune, comment est-ce que je fais ma prière? Et l'imam Malik lui a dit, ton si, tu le prends, tu le mets dans l'étoile là-bas. Et autrement dit, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Quand est-ce qu'une personne, irhamukallah, qui déjà va aller sur la lune, et une fois arrivé sur la lune, il se posera la question, comment est-ce qu'il va faire pour prier? Yani, il faut poser des questions qui sont concrètes, et non pas faire des spéculations sur des situations qui n'arriveront pas ou arriveront extrêmement rarement. Comme le professeur Asselam a interdit également de désobéir et de manquer de respect envers les mères, qu'il nous est obligatoire de respecter et envers qui il faut être généreux car elles ont un immense mérite et elles ont un immense droit sur nous. et que le professeur sallam a interdit cette coutume extrêmement mauvaise qui est d'enterrer vivantes des filles en pensant du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala ou par peur de la pauvreté lorsque ces filles seront, lorsqu'il sera amené à devoir nourrir ses filles. Et ceci est une coutume qui démontre la dureté et l'avarice et le fait de ne pas considérer Allah Azza wa Jal comme le pourvoyeur de l'ensemble des créatures. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'avarice pour celui qui se prive de donner son argent dans des projets qui ne comportent que le bien, et la grande motivation de cette personne à vouloir rassembler et réunir de l'argent toujours plus et à n'importe quel prix et en utilisant n'importe quel moyen. ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبات. Premièrement, qu'il est recommandé de dire cette invocation après les prières obligatoires. Quelle est l'invocation? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثانيا اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونفي الشرك معه وإثبات الملك المطلق والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى كما أن فيه توحيده بالتصرف والقهر وأن كل شيء بيده فقد جمع توحيد الألوهية الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. Et cette invocation rassemble l'ensemble de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et nie tout associé à lui et atteste la royauté complète à Allah azza wa jal ainsi que la perfection et la puissance total à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il y a dans cette invocation l'attestation qu'Allah azza wa jal est le seul et l'unique qui a le pouvoir de gouverner l'univers et que toute chose est entre ses mains subhanahu wa ta'ala. Ainsi cette invocation a à la fois rassemblé entre le tawhid de l'adoration, entre le tawhid de la seigneurie et entre le tawhid des noms et attributs. Tawhid de l'adoration, il est où dans cette invocation? La ilaha illallah. Le tawhid de la seigneurie. Lahul mulku wa lahul hamd. Et également. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ensuite. Qu'est-ce qui prouve également le tawhid de Rububiyya dans cette invocation? La mani ala ma a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at. Personne ne peut priver celui à qui tu donnes et personne ne peut donner à celui que tu as privé. Cela prouve qu'Allah Azza wa Jalla est le seul à être le pourvoyeur. Et al-asma wa sifat. Non. Lahul mulk wa lahul hamd. C'est pas un nom. Kulli shay'in qadir. Qadir ici, c'est pas le nom d'Allah qui est voulu. Alors, il est où la semaine en sifat ici? Mulk, c'est pas un attribut? Non, on parle du nom. Là, mais un attribut, mais du nom. Un attribut, effectivement. Là où le mulk ou là où le ham. Non. Non. Allahumma. Allahumma, ça signifie Ya Allah. Taïb. ثالثا النهي عن خصال ذميمة سماها لما اشتملت عليه من مفاسد دينية ودنيوية. Troisièmement, l'interdiction de tous ces qualificatifs mauvais qui ont été cités, car elles comportent d'énormes préjudices dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Rabi'an, إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطي المانع تعلق قلبه بالله تعلقا تاما وصرف النظر عن غيره. Quatrièmement, lorsque le croyant sait qu'Allah Azza wa Jalla est celui qui donne et qui prive, eh bien son cœur sera entièrement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne ne prêtera plus attention à autre qu'Allah. Lorsque tu sais que c'est Allah qui donne et qui prive, eh bien, tu ne t'en remets qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne prêtes plus attention aux gens qui pourraient te donner une chose ou qui pourraient te priver d'une chose, car tu sais que dans tous les cas, cette personne ne pourra te donner que ce qu'Allah voudra et ne pourra te priver que de ce qu'Allah voudra. خامسا مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الدعاء أمر الناس بالعمل به. Cinquièmement, l'empressement des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم à mettre en pratique la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه, lorsque lui est parvenue cette invocation, il a ordonné aux gens de la mettre en pratique. Et c'est Warrad lui-même qui le rapporte. Lorsqu'il est parti chez Muawiyah, il a vu, il a constaté que il avait ordonné aux gens de mettre en pratique cette sunnah du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sadisan, fihi l'amalu bil khatt al ma'ruf. وهو مسألة اتفاقية في جميع الأغراض وأن الله لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها. Sixièmement, il y a dans ce hadith la preuve que l'on met en application ce qui nous est parvenu par écrit. Muawiyah رضي الله عنه, est-ce qu'il a entendu ce hadith directement de Al-Mughira ibn Shu'bah de sa bouche? Non, il a pris en compte l'écriture de Warrad, du serviteur de Al-Mughira ibn Shu'ba, qui lui a dicté. Ainsi, il a considéré acceptable le fait qu'une information lui est parvenue à l'écrit. À l'écrit, et en reconnaissant là l'écriture de du serviteur de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Sabi'an, qaboulu khabari al-wahid. Septièmement, il y a dans ce hadith la preuve que l'on accepte l'information d'une seule personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Naam, lorsqu'une personne vient et qu'elle est digne de confiance et qu'elle nous rapporte une parole, eh bien, il est autorisé de prendre en compte cette parole. Car certains vont vous dire non, et certains rejettent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils n'ont été rapportés que par un compagnon. Ils disent non, ça dans les jugements il n'y a pas de problème, mais dans les croyances on n'accepte pas que un hadith soit rapporté que d'un seul compagnon. Il faut qu'il y ait beaucoup de compagnons pour qu'on puisse accepter un hadith qui est en rapport avec la croyance. Et les savants ont bien sûr répondu à cette ambiguïté en utilisant beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il l'a envoyé pourquoi ? Ou transmettre la religion. Il l'a envoyé tout seul. Et donc à considérer que la parole de Hudayfa, radiallahu an, était suffisante pour que les gens la prennent en considération et qu'ils la mettent en pratique. Et également ce hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah où Muawiya radiallahu an a pris en compte la parole ou le fait que une personne est venue lui apporter la lettre que lui a écrit Al-Mughira ibn Shu'bah. Et Muawiya radiallahu an s'est-il contenté de prendre la lettre et de la mettre dans un coin? Non, il a ordonné aux gens de la mettre en pratique. ثامنا النهي عن إضاعة المال أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة فقد جعل الله الأموال لقيام مصالح الناس وفي تذبيرها وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح وطرق الإنفاق ثلاث. Huitièmement, l'interdiction de gaspiller son argent, c'est-à-dire de le dépenser dans des moyens qui ne sont pas légiférés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'argent et des biens des choses qui doivent être utilisées dans le bienfait et dans le bénéfice des gens, et pour le bénéfice des gens. Et le fait de gaspiller ce bien, eh bien, ne permet pas d'atteindre ces bénéfices. Et les moyens par lesquels l'on dépense son argent sont de trois. فهناك الإنفاق المذموم وهو بذل المال في الأمور المذمومة شرعا سواء أكان قليلا أم كثيرا. Premièrement, il y a la dépense qui est réprimandable, comme le fait de dépenser son argent dans des choses qui sont interdites islamiquement, que la quantité d'argent soit petite ou qu'elle soit grande. Ceci est réprimandable. والإنفاق المحمود هو بذله في الخير والبر ما لم يفوت حقا آخر أهم منه. La deuxième façon de dépenser son argent est de dépenser son argent et ses biens dans des choses louables, comme le fait de dépenser ses biens dans le bien et dans la piété, à condition que lorsqu'il dépense ses biens dans cette chose louable, qu'il ne délaisse pas quelque chose qui est plus importante. Comme celui qui donne de l'argent à un pauvre et qui laisse sa famille dans le besoin. Ta famille, ce sont ceux qui ont le plus besoin et qui ont le plus le droit sur ton argent. أما الثالث فهو الإنفاق في المباحات وملاذ النفس المباحة فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف. Et la troisième façon de dépenser ses biens, c'est de dépenser dans des choses autorisées. Il y a donc une différence entre les choses autorisées et les choses recommandées. Dans les choses recommandées, cela est plus louable. Mais dans les choses autorisées, cela est acceptable. Le fait de dépenser son argent dans les choses autorisées, وَمَلَاذِ النَّفْسِ الْمُبَاحَةِ, et dans les choses qui permettent de se distraire. Est-ce que tu as le droit de dépenser de l'argent pour ta distraction? La réponse est oui. Et le Cheikh Hafid Rahimahullah conclut en disant: فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف. Et ce qui est autorisé est que chacun dépense selon sa situation sans faire de l'excès. Sans faire de l'excès. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون بعد المئة عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلو علمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 رواه مسلم والبخاري. Le 126e hadith. On va le lire, inshallah, et ensuite on continuera l'explication la semaine prochaine, inshallah. Selon Soumay, le serviteur d'Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, selon Abi Salih al-Samman, qui rapporte d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit, Abu Huraira radiallahu anhu dit, que les pauvres parmi les muhajirin, ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, ô envoyé d'Allah, ذهب أهل الدثور بالأجور, les riches partent avec des degrés élevés et des bienfaits persistants. فقال ماذاك, le professeur Hassan a dit, qu'est-ce? C'est-à-dire, quels sont ces hauts degrés qu'ils ont atteints et quels sont ces bienfaits qui perdurent chez eux? Ils ont dit, ils prient comme nous prions et ils jeûnent comme nous jeûnons et ils donnent en aumône alors que nous ne donnons pas en aumône et ils affranchissent alors que nous n'affranchissons pas. En parlant des pauvres, ils prient. En parlant des riches, ils prient comme prient les pauvres. Ils jeûnent comme jeûnent les pauvres. Mais leur particularité à ces riches, c'est qu'ils donnent en aumône alors que les pauvres ne donnent pas en aumône. Et ces riches affranchissent des esclaves alors que les pauvres ne peuvent pas affranchir d'esclaves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, « Voulez-vous que je vous enseigne une chose ?» qui vous permettra de rattraper ceux qui vous ont précédé et de précéder ceux qui vont vous suivre. Et personne ne sera mieux que vous, sauf une personne qui aura fait la même chose que vous. Ils ont dit, bien sûr, envoyé d'Allah. Il a dit, vous faites le tasbih en disant subhanallah, vous faites le takbir en disant Allahu Akbar, et vous faites le tahmid après chaque prière 33 fois. Qala Abu Salih. Abu Salih, qui rapporte d'Abu Huraira, a dit, et les pauvres de l'Muhajirun sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, nos frères qui ont de l'argent et qui ont des biens ont entendu ta parole leur est parvenue et ils ont fait comme nous avons fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ. Ceci et le bienfait d'Allah qu'il donne à qui il veut. Faqala Sumay, qui est un des rapporteurs du hadith, j'ai parlé de ce hadith à certaines personnes de ma famille. Faqal wahimtu, faqala wahimta, et ils m'ont dit, tu as fait une erreur, mais il a dit, vous faites le tasbih 33 fois, vous faites le takbir 33 fois, et vous faites le tahmid 33 fois. Je suis alors retourné chez Abu Salih, et je lui ai cité cela, et il a dit, dis Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, jusqu'à ce que tu atteignes pour chacun 33. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك